sans m'emballer complètement, le tome 1 de Dead Letters m'avait plutôt convaincu, notamment par l'originalité de son histoire et par les dessins de Chris Visions. Voyons ensemble si ce deuxième tome confirme mon intérêt. Au scénario, toujours Christopher Sebela, scénariste et graphiste qui a notamment travaillé sur Captain Marvel and Fantastic Four pour Marvel et aussi chez Boom pour Escape from New York ou alors Alien vs Predator pour Dark Horse. A noter que maintenant il est responsable de la série Ghost, le relaunch de la série Ghost chez Dark Horse. Au dessin, je vous le disais, Chris Visions qui travaille surtout dans le graphisme, notamment le jeu vidéo et le storyboarding. Le décor est planté, on se retrouve toujours dans cette fameuse ville, ici, dans les limbes. Et on retrouve Sam, notre personnage principal, qui s'était réveillé à ici, dans le début du premier tome, sans savoir où il était ni pourquoi il était là. Cette fois, au début de ce tome, maintenant on le sait, il travaille pour Dieu en personne, à faire tomber les gangs de Ma et Jones, et il va être confronté dans ce deuxième arc à un nouveau groupe qui se fait nommer les Saints de Nulle Part, qui est un groupe très violent, comme l'ensemble de la série d'ailleurs, hein, que ce soit graphiquement ou dans le scénario, la violence n'est pas mise de côté, bien au contraire. Donc les Saints de Nulle Part vont faire leur entrée et venir un petit peu redistribuer les cartes dans le jeu et dans la ville d'ici. Et à la fois également élargir un peu le paysage, puisqu'on va sortir de cette ville et aller explorer ce qui se passe dans la banlieue. Et donc on en découvre un petit peu plus sur cet univers des limbes, ce qui est un des points les plus intéressants du tome 2, en même temps que le développement du personnage de Sam, bien que maintenant que le deuxième volume est terminé, on aimerait peut-être enfin en savoir plus sur les circonstances de sa mort et sur le pourquoi il est là. C'est un des gros points dans ce qui nous manque dans l'intrigue. Intrigue qui m'a moins convaincu que dans le premier tome, que j'ai trouvé un peu plus ronflante, comme si les scénaristes se retenaient de prendre des risques, et finalement, à chaque fois qu'on a quelque chose d'assez ambitieux et qui pourrait montrer un potentiel intéressant, eh bien soit on ne va pas au bout, soit on recule, ou alors on laisse tomber l'idée, et du coup on n'a jamais ces bonnes idées qui sont vraiment exploitées à fond, et c'est le plus gros défaut pour moi de cet album. Les dessins de Chris Visions sont toujours parfaits pour cette atmosphère, pour cette ville, pour l'univers des limbes. Après, c'est pas forcément le style auquel personnellement j'accroche, mais je dois reconnaître que ça colle bien avec l'histoire et avec le ton donné par Christopher Sebela. Aux États-Unis, la série en est à son numéro 12, on devrait donc avoir un troisième tome chez Glénat Comics qui, je l'espère, apportera plus de réponses que celui-là et laissera moins un goût d'inachevé, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai en refermant les pages de ce deuxième tome. Du côté de l'édition, c'est Glénat Comics et comme je dis à chaque fois, c'est plutôt impeccable. Le livre est bien conçu, c'est un bel objet, comme à chaque fois avec Glénat Comics. On a quelques bonus à la fin du tome, un cahier graphique et puis quelques couvertures dans une galerie. Voilà, on a été habitué parfois à mieux du côté de chez Glénat, qui fait là plutôt le travail minimum en termes de bonus. Mais voilà, on a encore une fois un tome joli, bien présenté, au prix de 14,95€ pour les épisodes 5 à 8 de la série et 128 pages, disponible dans toutes les librairies depuis le 3 février 2016. J'irai bien sûr lire le tome 3, non pas parce que le tome 2 m'a accroché et parce qu'il se termine par quelque chose d'intéressant, bien au contraire, je trouve même la fin plutôt plate pour ce tome 2, mais parce que ce que Sebela et Visions ont proposé en termes de mystère et autour notamment de l'histoire de Sam et des limbes m'intéresse et j'ai envie d'en savoir un peu plus, j'ai envie de découvrir comment Sam en est arrivé là, comment Sam est mort et a pu se retrouver dans les limbes et pourquoi il se retrouve dans ces limbes puisque ce n'est pas le destin de tout le monde. Donc voilà, c'est des questions qui ont été proposées, qui ont été ouvertes dans le premier tome, qui m'intéressent, que j'ai envie d'explorer. Je n'ai pas eu ces réponses dans le tome 2, j'espère que ce sera le cas dans la suite. Ce tome 2 obtient la note de 13, notamment grâce au dessin soigné et à l'édition bien travaillée. N'hésitez pas, vous aussi, à donner une note à Dead Letters tome 2 si vous l'avez lu sur comicstories.fr et à développer votre avis en commentaire comme d'habitude. Et nous, on se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle review.